Un voyage en automobile. Comme un enfant dans une réserve naturelle, j'observe, le nez collé à la fenêtre, bien protégé par la carrosserie et les vitres fermées. Nous commençons par la flore. Que la nature est belle sous la lumière du jour. Le soleil me révèle les couleurs des arbres et des champs avec une précision telle que je perçois sans peine le mélange des teintes qui composent les verts, les jaunes, les bleus. Rien n'est plus uniforme. La nature m'apparaît comme une compilation hétérogène de couleurs qui s'homogénéisent par le procédé du regard. Les vignes, champs de blé, d'oliviers, s'étalent à perte de vue. Quelques vallonnements au loin, des montagnes qui se perdent dans une perspective atmosphérique digne des plus grandes toiles de la Renaissance italienne. Je ne croyais pas que mes horizons amputés auraient à ce point le pouvoir de renaître. J'ai un sentiment optique de membre fantôme. Le sapin vanillé tourne autour de lui-même. Il se balance de gaieté, se tord de satisfaction, se déforme de décontraction amusée, et je vis revolte avec lui. J'imagine sa vie, tortillant autour d'un rétroviseur, sans cesse en voyage, heureux de sentir bon et de participer ainsi à la bonne ambiance des lieux. Il en aurait des choses à raconter. Des conversations interceptées à l'insu des passagers, des monologues incohérents dispensés par un conducteur dans ses pensées. Je me figure, aplati, en carton, sans mauvaise pensée ni jugement, menant ma vie paisible en n'ayant qu'un seul but dans la vie, me faire le plus discret possible et exhaler un doux parfum jusqu'à la fin de mes jours. J'irai dans le monde, j'assisterai à la transformation de la cellule familiale, aux joies et au déchirement. Je changerai peut-être demain lors d'une vente. Je traverserai des paysages différents, des routes, des autoroutes, des stations essence, des garagistes aux mains de cambouis, des changeurs de pneus, des laveurs de carreaux. Je vivrai comme un prince presque invisible, passif et attentif, tant qu'un dieu automobile me prêterait vie. Je ne laisserai à ma mort qu'une vague odeur synthétique dans un habitacle, mais je n'en demanderai pas plus. Si j'étais un sapin en carton à la vanille, je ne connaîtrais pas les tourments, les affres du doute, les questionnements sans fin. Je mènerais ma carrière de diffuseur de parfums, consciencieusement, sans rien demander d'autre à la vie. Fabrication, ouverture du sachet en plastique, dégagement d'une bonne odeur, fin, désagrégation. Je serais enfin fixé sur mes choix, sans libre arbitre peut-être, mais inconscient de la chose, et tellement reposé. Mais je ne suis pas un désodorisant d'habitacle. La société humaine est remplie de sapins en carton à la vanille sur pâte, qui n'ont même pas la délicatesse, souvent, de participer à l'harmonie olfactive du monde. Pendant que je me balance au bout de ma corde élastique, observant sans maudire les trois énergumènes à l'intérieur de cette boîte de fer qui pétarade en glissant sur l'asphalte, j'entame avec eux la descente, la longue pente que Lila avait gravie dans l'autre sens du temps où j'étais être humain, mon fauteuil roulant amarré à sa bicyclette. Je souris en bénissant mon fémur, sacrifié par un acte d'amour prémonitoire. « Il n'y a pas de hasard, disent les sages et les fous. Soit. » Je n'ose prononcer le nom de ce bonhomme dont l'apparence varie selon la nature de la bouche, religieuse ou profane, d'or ou de chair, mais je sais que cette fois-ci, il a bien fait des choses, pour se faire pardonner peut-être. Comme la vie est étrange. Il suffit d'un moment de panique, d'une paire de pédales, d'une vieille machine à laver et d'un sommier vous tombant dessus, pour que l'amour fasse de même. Le tout combiné dans un ordre impeccable, une rigueur aléatoire sans faille. La lune eût été plus pleine que le sortilège n'eût pas opéré. Ce que c'est que de nous, tout de même. Créature soumise aux caprices du destin. Subitement, mes muscles horripilateurs se contractent en cœur. Je sens alors tous mes poils se dresser comme un seul. C'est l'inconscient qui parle à travers eux. Il a décelé la présence des rares habitations qui commencent à fleurir timidement sur les bas-côtés, les constructions de pierre ou de béton annonçant les rivages de la jungle des hommes. Je sors de ma peau de sapin en carton, vérifie la bonne étanchéité de ma portière en appuyant avec discrétion sur la fermeture qui, à ma grande surprise, déclenche automatiquement toutes celles de l'automobile. Sur le siège avant, passagère et conductrice interrompent leur flot de paroles pour rire de concert en me taxant de paranoïaque. Mais leurs railleries ne m'atteignent pas. Mieux vaut prévenir que guérir. La fourrure hérissée en dedans, les griffes prêtes à sortir, j'étudie la faune urbaine, les yeux mi-clos, lion faussement nonchalant. Je suis de prime abord choqué par l'absence d'uniformité. Les citadins se partagent tant bien que mal la même ville, les mêmes infrastructures, les mêmes trottoirs, et ne semblent pourtant aucunement se préoccuper d'adopter une apparence vestimentaire homogène. Les membres de la même équipe de football revêtent bien le même maillot pour se reconnaître d'un coup d'œil et pour aider les spectateurs. Eh bien, pas ici. Ici, les gens semblent se délecter de leur physionomie bigarrée. Manches courtes ou longues, pantalons multicolores, chaussures noires ou marron, voire blanches, avec ou sans talons, cheveux longs ou courts, absence de pilosité, couvre-chef de toutes sortes. Je prends la décision de disséquer prochainement ce phénomène étrange dans mon cahier de réflexion. Mon étonnement quelque peu consommé, je constate que la plupart des gens se plaisent à arborer des visages hilarants à force de bouffonnerie. J'en vois beaucoup qui, comme moi, se sont travestis pour sortir dans l'anonymat. Certains ont glissé un faux ventre mal taillé sous leur costume, d'autres exhibent une barbe artificielle trop longue et trop carrée, quelques dames âgées paradent, surmontées d'une coiffure volumineuse violette, de nombreux jeunes gens ont revêtu des cheveux postiches burlesques, cascadant en une grosse mèche qui leur dégouline sur l'œil ou gominée avec exagération, et cahotent d'une démarche absurde dans des pantalons qui leur collent aux mollets. Je les trouve assez laids. Je suis des yeux une jeune fille, tenant une canette de bière d'une taille invraisemblable d'une main, trois chiens en laisse de l'autre, toutes de noir vêtues, maquillées dans les mêmes tons, le visage percé d'une multitude d'anneaux, billes de métal et d'objets divers. D'autres encore se tiennent bien droit dans leur costume impeccable, l'air de ceux que rien n'atteint, ni la fantaisie, ni le mauvais goût, ni l'incorrection, ni la corruption, ni le doute. J'en ai déjà vu sur les photographies des journaux que me procure Aimé. Je tressaute des épaules, l'air goguenard, content de constater que je ne suis pas le seul ici à me déguiser pour oser mettre un pied dehors. Une question vient alors me tourmenter. Suis-je aussi voyant qu'eux ? Chose cocasse, les citadins à présent adoptent une démarche lente, élastique, qui force le sourire. Avec une maestria faite d'habitude, ils se rencontrent tous au ralenti, sans échanger un mot, parviennent à s'éviter sans se regarder. Les vélos ne roulent pas sur les passants, les voitures n'écrasent personne, des feux passent au rouge tandis que d'autres se colorent de vert, c'est formidable de coordination. Le tour de force est d'autant plus habile que les rues sont plongées dans une espèce de flou presque opaque. Lila et Danka ne paraissent aucunement s'en soucier, et je me dis que l'habitude donne aux choses les plus saugrenues des airs de normalité. Tandis que je retire mon nez écrasé de la vitre, en effaçant mollement de la manche les taches graisseuses que j'ai laissées, je vois les visages de mes deux amis entourés de mots pirouettant dans toutes les directions. La plupart ricochent sur le pare-brise, vite recouverts par les chapelets de paroles suivantes. Les mots se coupent la route, s'entrechoquent, se disloquent mutuellement, certains tombant à pic juste après avoir pris leur envol, mais la plupart sont projetés avec énergie, signe d'une conversation animée et sincère. Ces assemblages de consonnes et de voyelles, tous étrangement bien formés, adoptent parfois des pleins et des déliés savants, car la belle articulation arrondit les courbes, renforce les saillies des angles. Les mots sortant de la bouche de Lila sont d'une calligraphie particulièrement érudite, et je m'abîme dans la contemplation de leurs contours précis en les suivant des yeux, tandis que tout mon corps bouge à l'unisson, adoptant un rythme de vague. Quelques paroles perdues se glissent dans ma direction. Puis plus rien. Quelques mots à nouveau fusent vers moi en venant s'encastrer dans ma fausse moustache. Puis de rechef, plus rien. J'analyse. On me parle. Peut-être même attend-on une réponse de ma part. Je regarde Lila que j'entends en écho. « Oh oh, Miloche, t'es parti ou quoi ?» On arrive. Où ça ? À la librairie, bien sûr. T'as oublié ou quoi ? Tout me revient. La librairie. La séance de dédicace de G. Je me sens tout bizarre, m'entends-je dire. C'est normal, c'est le trac. C'est brumeux dans la voiture, non ? Deux têtes aux yeux démesurément ouverts se tournent dans ma direction. J'ai l'impression que les globes vont s'échapper de leurs orbites. Il a l'air sérieux, s'inquiète Danka. Je remarque alors qu'elle est en train de me parler de très loin, dans le fond de la voiture. La distance entre les sièges avant et la banquette arrière s'étant considérablement accrue par une sorte de phénomène paranormal. L'automobile de Danka a quelque chose d'élastique. Elle doit avoir pris l'option. En effet, elle se rapproche maintenant très près pour s'éloigner à nouveau. Cela me fait sourire, son jeu rigolo. Qu'est-ce que je suis bien ! Il fait bon ici. C'est quoi les calmants que tu lui as donnés ? Demande une Danka oblique à une Lila sinusoïdale. Je sais pas. J'ai trouvé ça sur la table de nuit de ma colocataire. Je croyais qu'il s'agissait de tranquillisants légers. J'étais pressé, elle n'était pas là, alors j'aurais peut-être dû lui demander ce que c'était. Bon, on verra plus tard. Je vous dépose devant pendant que je vais chercher une place. Vous commencerez à faire la queue ?